Géraldine Mosna-Savoie, vous nous racontez que vous êtes rassurée depuis hier. Mais oui, plusieurs semaines que j'étais inquiète. Métro, terrasse, file d'attente, une ambiance étonnamment sympathique régnait en extérieur, comme on dit désormais. Il faut dire qu'on était tellement contents de se retrouver qu'on n'allait quand même pas tout gâcher d'un coup. Mais quand même, ça commençait à m'inquiéter. Pas d'accrochage, des sourires, des « allez-y, vous étiez là avant moi à la boulangerie » et même des bonnes journées à la volée, comme ça, dans la rue. Qu'allait être la suite, Guillaume ? Des pardons ? Des désolés ? Heureusement, cette parenthèse enchantée s'est finie hier pour ma part. J'étais à vélo et j'ai eu un accrochage avec une piétonne. Évidemment, tout était de ma faute, même si je ne l'avais pas frôlée. Et évidemment, je n'allais pas le reconnaître, surtout sous la pression de ses insultes. Toute l'affaire s'est finie en moins de 2 minutes, sans que l'on sache vraiment comment. Sauf qu'il fallait bien poursuivre nos trajets respectifs. En moins de 2 minutes, j'ai donc renoué avec ce qui m'avait tant manqué, la petite altercation de rien, pour rien, en extérieur, avec un inconnu. Je vais vous poser une question indiscrète. Ça faisait combien de temps que ça ne vous était pas arrivé ? Eh bien, pas si longtemps que ça, Guillaume. Même les confinements à répétition n'avaient pas complètement réussi à faire disparaître ce type de relation. Et quand on s'inquiétait pour la sociabilité, il aurait fallu observer leur persistance pour se rassurer. Seule la joie du déconfinement en a eu raison. Quelque temps, et oui, j'ai été perplexe. Alors pas que je sois fan de ces petites relations contrariées qui font le sel ou le drame d'une simple balade urbaine, mais à chaque fois que j'en fais l'expérience, je suis fascinée. Que vient-il de se passer ? Qui est cette personne ? Et en fait, c'était quoi notre désaccord ? Dans ces fragments, Héraclite, 6 siècles avant notre ère quand même, disait « Le combat est père et roi de tout, il produit des dieux et des hommes, il rend les uns esclaves, les autres libres. » Mais encore faut-il qu'il y ait vraiment un combat, car ce qui est fascinant ou paradoxal, c'est qu'a lieu une chose qui ressemble à un combat sans qu'on sache vraiment pourquoi on lutte. On est prêt à tout, ou presque pour avoir raison, alors qu'il n'y a rien à gagner. On veut en découdre avec une personne qu'on ne reverra jamais, et puis ça se finit sans se finir. Bon, c'est juste qu'on doit y aller. Du combat, il ne reste que l'opposition vaine, et encore presque rien, même pas une controverse, même pas une bagarre musclée. Rien n'est tiré, ni plaisir, ni justice, ni amitié, et encore moins inimitié. On dirait que vous le regrettez. Vous préféreriez qu'il y ait des traces comme l'inimitié ? Non, mais je suis fascinée encore une fois par ce genre de relation qui n'entre dans aucune catégorie si ce n'est la catégorie floue de relation et qui semble être une constante de notre champ social existant en période de distanciation ou virtuellement. Mais de quoi sont faites ces relations permanentes qui ne tiennent pourtant pas, qui ne lient personne sauf de manière anonyme et éphémère et qui ne produisent rien ? Car il ne s'agit pas de mondanité inversée, ni de formalité, ni d'épreuve d'une transformation violente de notre société. Non. Et c'est bien le problème de toutes ces relations qui n'en sont pas. Elles ne sont rien, mais elles ne sont pas rien. Et surtout, elles ne font pas rien. Elles constituent une modalité essentielle, mais diffuse, imprévisible de notre sociabilité. Une sociabilité qui se subit et se régénère. Une sociabilité invisible qui nous insupporte, mais a aussi quelque chose de parfaitement admis et même nécessaire. Et c'est tout le drame. On ressasse, on ironise sur ces petites relations qui n'en sont pas. Ces anti-relations, comme on pourrait les appeler. Mais on les trouve aussi parfaitement normales, quotidiennes. On dit qu'on ne s'y fera jamais, mais le pire, c'est qu'on s'y est déjà fait et que sans elles, sans leur possibilité, quelque chose, peut-être un peu de liberté, nous manquerait.